c'est l'Enzo et le Bambino. Thématique, Alpha Music, hey. Le rap c'est toute ma life, hey. Le rap c'est toute ma life, oh. Le rap c'est toute ma life, hey. Le rap c'est toute ma life. Écris des textes, j'ai extra normal, seul le rap me fascine. J'travaille pas, j'fais de l'argent sale en prod, j'vis d'argent facile. J'mise tout dans la musique, pas pour être numéro 1, mais juste que ça rapporte quoi faire manger ma famille, tu croyais quoi? J'allais en rester là qu'après mon maxi. J'allais arrêter le rap, mais t'es fou ou quoi? Ne mets pas ça dans la tête. J'reviens avec du lourd à te faire péter des enseignes. Tu crois en bise du petit. Pour mon rap, j'me donne à fond. Même si c'est pour mes lecteurs qui écoutent mes sons dans leur iPhone. Écoute, j'reviens puissamment. Retourner le meilleur de moi-même avec beaucoup plus de puissance. Pour les miens, j'représente quartier nord, j'représente. Pour mes frères, toujours présent. Pour eux aussi, je représente Marseille, j'représente Vitrolles. Je représente Marignane, je représente, c'est l'Enzo qui représente. J'ai toujours tout donné pour atteindre le sommet. J'ai que le rap à ma tête, plus rien ne peut m'arrêter. Plus rien ne peut m'arrêter. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, ouais, toute ma life. J'ai arraché le sol en débarquant sur le terre-terre. En 2010, j'prendrai mon chiffre comme Marlboro dans les affaires. Les gens nous parlent et ils rôdent la poudre. Comme ça, si tu portes l'œil, rien à foutre, moi. Pas là pour paraître à la one. J'ai le cœur lourd, oula. J'mise ma vie sur un 10, pas le temps de blâmer dans la musique. Le rap est malade, je clave sur la casquette. J'ai trop les cons, je vous charge. Pas le temps pour les Jojo Bella. Je joue tout pour la gagne, moi. Pour les sœurs et les frères qui misent tout sur moi. J'suis de partout à la fois, au quartier ou au Twitch. N'écris tout sans fil. J'oublierai personne, je suis ma musique. Vous êtes mes morceaux, vous êtes mon album. Le rap c'est toute ma life. Le rap c'est toute ma life. Le rap c'est tout ce que j'ai. Donc j'ai dû ramener la bombe pour mes blocs, pour mon quartier. J'ai mis la corde. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, ouais, toute ma life. Dans mon rap y'a que ma vie, moi mon rap c'est mon quotidien, ouais. J'rappe pour ma ville et moi j'rappe pour les miens. Porte-parole de la rue, j'écris sur mon vécu. Me demande pas pourquoi j'ai lâché les études. Dans mon rap y'a que ma vie, moi mon rap c'est mon quotidien, ouais. J'rappe pour ma ville et moi j'rappe pour les miens. Porte-parole de la rue, j'écris sur mon vécu. Me demande pas pourquoi j'ai lâché les études. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life. Le rap c'est toute ma life, toute ma life.